Celui qui aime une personne s'aime lui-même. Ah, et ça, c'est histoire, y'a Nzambe na banana yé. Mon colonie ni va reposer à Nzambe, c'est très difficile. Merci, ah merci à Denis Abdallah. Force! Denis Abdallah et papa na Denis Sete. Aïe, wayo, bolingo, et ça c'est robotama. Et poisson ya bolingo, et zanga, solution standard. Yangwe la tisina moku ya botu ya bomwana ngai. Maman Suzanne, Mère Nadine, Mike Denis Joani. Yo ne ome sanisa ki ngama bete lide. Yo moko kotisa ki ngana regime avanurisan. Mate midi swa ngai jante bra. Solo yanzo tunayo ipananga eza oxygène. Nazali bebe libele nanga bolingo. Wadu ya bolingo wa bande pozina. Na bele liyo seku na nofranche ne balamu na yo. Bolingo eza lilita ya bumbu. Boyanga eko miyaku maye. Sœur Maggie Ondou Karine Paul. Yo ne ome sanisa ki mama bebe libe. Moko koti sa ki ngana regime abatete. Mate midi swa ngai na maboko mayo. Solo ya mzoto na yo ipana ngai za oxygène. Nazali bebe libele nanga bolingo. Kato ya bolingo webandiko zinda. Na bele liyo seku na nofranjene balamu na yo. Bolingo eza lilita ya bumbui. Uyanga eko miyani wa Babuda, Bonababu Disque, ah Nzambe, Otiki Biso, la sœur Wapi, Maman Edith Lucie Tito. Ala, Bonaba musulman, Yesu Masia, Bonaba Christo, religion Nangaï, Deni Abdallah et Deni de Abdallah. Inou Sarlabou, Yemedino, DGON. Yangana yo. Bakelanga lolanga bakela yo, mon père c'est Jean-Louis Bakabadio. Juranga na telama, ta patara hien na telama du matin jusqu'au soir. Ta ronda puta pata na lokola bazimi batera ka krise. Mwana sambe, hey, hey. Je te dis, reste plus de petits oiseaux dans le nid. Na tela tela, Christian au Kotimi Bruno. Fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, colère. Nzambe, Kasaya Dinaro Kongo Romeo Ngie Carré à Félix